Section 7 de L'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Troisième partie. Suite. Juin passait. Les jours semblaient ne plus pouvoir mourir. Ils traînaient sur la cour leur lueur finissante que nous y retrouvions après dîner, car une récréation précédait maintenant la montée au dortoir. Et sa durée se réglait sur celle du crépuscule. Cette récréation n'était jamais bien bruyante. Certains ramassaient les fleurs de l'acacia pour en manger le pistil sucré, ou en humer le parfum dans leurs mains emplies. La plupart, assis ou couchés sur les marches, conversaient. D'autres, plus actifs, tournaient, inquiets de quelque chose à faire. Ceux-ci imaginèrent un jour de mettre le feu à des papiers froissés dont ils avaient bourré un ormeau creux. Ravet fournit les allumettes et Rupert les utilisa. Monsieur Lorrain, placé à l'écart, ne pouvait rien voir, mais Charlot, effrayé, courut l'avertir. La cour entière décida la quarantaine envers le dénonciateur. J'en fus prévenu. Cette mesure paraissait devoir être sans effet sur Charlot, qui ne se mêlait à aucun jeu. Cependant, le lendemain, les groupes affectèrent de se disperser à son approche, et bientôt, tous réunis, le huèrent. Charlot, réfugié contre la barrière, les mains aux poches, souriait avec embarras en répétant « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Sa blouse, froissée par l'usage, ne s'arrondissait plus autour de lui et pendait de son cou comme une serviette. Son frère n'était pas le moins prompt à le charger de reproches. Je me trouvai seul à l'extrémité de la cour. Il vint à moi, les autres le suivaient et sa marche en était gênée. Je le vis qui s'approchait avec son sourire et son pas incertain. Je m'éloignai. Quand j'osais retourner la tête, Charlot répétait encore « Ça m'est bien égal, ça m'est bien égal. » Mais un rictus nerveux tirait ses lèvres. Monsieur Lorrain s'interposa. Aux récréations suivantes, la persécution ne se manifesta plus que par le silence et l'isolement soigneusement fait autour du petit. Il y parut indifférent et joua dans un coin avec ses billes. Le soir, il ramassa les fleurs d'acacia et s'assit à l'écart pour les trier dans son tablier. Mais, en feignant de se poursuivre, deux moyens le bousculèrent et dispersèrent sa récolte. Un grand remords m'envahit. Au dortoir, les lampes éteintes, j'entendis un bruit de sanglots. Je me levai, c'était bien Charlot qui pleurait, la tête à demi cachée par les couvertures, sous lesquelles il tentait d'étouffer la plus violente crise de larmes. Je me penchai et voulus le découvrir, mais ses yeux brillants me fixèrent avec colère et, se détournant de moi, il me dit « Va-t'en !» Je le laissai. Deux jours encore, il subit cet ostracisme. Seul Daunis ne se refusait pas à lui répondre. J'aurais aussi souhaité lui parler, mais il me fuyait. Le troisième jour, au matin, il fut malade en étude et remonta se coucher. Le soir, il avait laissé le dortoir pour l'infirmerie. Mes remords devinrent si vifs que je ne pouvais guère penser à autre chose qu'à ma conduite envers Charlot. Je profitai du tumulte, au début d'une récréation de 4 heures, pour gagner l'infirmerie. Le cœur battant, j'en poussai la porte. Au bruit que je fis, quelque chose de noir bondit de la couche et sortit entre mes jambes. « C'est la chatte que tu fais sauver, » me dit le petit malade. Il me pria de ne pas refermer afin qu'elle pût revenir. Il ne souffrait pas, mais il ressentait une grande fatigue qui lui donnait l'impression d'être sans eau. Il s'occupait à dessiner, au crayon de couleur, des paysages. Il voulut m'en donner un. Le soleil qui s'y trouvait représenté, orné de ses rayons, ressemblait à un gros infusoire. Je lui appris que je m'étais échappé de la cour pour lui rendre visite. Il m'écoutait, en souriant, mais semblait peu touché de l'amitié que je faisais paraître et dont j'avais pris soin de le désabuser. Il ne s'ennuyait pas. La maîtresse lingère le soignait avec bonté, on lui donnait des livres, et la chatte lui tenait compagnie. « La chatte aveugle ?» lui demandai-je, en m'étonnant qu'il l'eût apprivoisée. On appelait ainsi la bête à cause de ses yeux, dont l'un était mort et l'autre mi-clos. Nous l'apercevions parfois se sauvant comme nous entrions au dortoir ou au réfectoire. Les garçons, de qui le coup de pied ne pouvait l'atteindre, l'appelaient « sale taupe ». En lui criant qu'elle n'était pas si aveugle qu'elle en avait l'air. Personne ne pouvait se vanter de l'avoir approchée. Charlot me conta qu'un cauchemar l'ayant réveillé au cours de sa première nuit à l'infirmerie, il avait fait fuir en se débattant la chatte couchée sur lui. Elle était revenue peu après s'installer à ses pieds et lui continuait depuis ses visites. Soudain, je la vis accroupie à l'autre bout de la pièce et qui nous observait. Je songeais à des histoires entendues d'enfants étouffés par des chats, à ces bêtes des contrées chaudes qui saignent les dormeurs sous l'oreille pour boire tout leur sang, et je recommandais à Charlot la prudence. Il semblait lui tarder que je partisse. Il regardait vers la taupe en l'appelant doucement. Elle tressaillit lorsque je me levais, puis demeura. Les stores baissés répandaient une clarté blonde. J'aperçus en les écartant la campagne lumineuse et confuse au loin. Je crus y reconnaître la grangère, à son toit parmi des arbres, et mon cœur battit. Charlot avait recommencé de lire. La chatte blottie à son côté pétrissait la couverture en ronronnant. Je n'osais pas les déranger encore et sortis avec le dessin que j'emportais. Depuis mon entrée au collège, j'avais suivi le petit catéchisme et travaillé de mon mieux avec l'aumônier qui était très bon, mais que nous ne voyions que deux fois la semaine. Il nous laissa tout à fait lorsque, l'époque de la première communion venue, il lui fallut s'occuper des retraitants. Ils étaient une dizaine, tous de notre étude, parmi lesquels Florent, Gernon, Mouque, Terrouet et quelques externes. 8 jours avant la date fixée pour la fête, ils cessèrent de vivre avec nous pour n'être plus que sous la garde de l'aumônier. On les enviait beaucoup. Ils mangeaient à part à midi et jouaient dans le jardin, où l'aumônier ne craignait pas de leur envoyer la balle. Le plus souvent, il les emmenait dans la campagne ou chez un de ses parents qui possédait aux environs une propriété plantée d'arbres. On y goûtait et l'on jouait au croquet. Nos camarades ne nous rejoignaient qu'à la récréation précédant le coucher. Ils continuaient de rester groupés, un peu fiers des distinctions dont ils se voyaient l'objet, attentifs à rester graves et presque froids avec ceux qui tentaient de se mêler à eux. Je n'osais les approcher. Ils m'apparaissaient au-dessus des autres et touchés d'une grâce que je leur enviais. Des chœurs étaient organisés pour contribuer à l'éclat des cérémonies. J'y avais ma place, ainsi que presque tous les jeunes de l'étude. Charlot, revenu parmi nous, se faisait remarquer par la justesse et l'acuité de sa voix, qui semblait bien plutôt, dans la chapelle, descendre de la voûte que s'élever du sol. Il avait un grand plaisir à chanter et ne cessait plus de fredonner l'air du solo qui lui était confié. Son indisposition avait mis fin à la quarantaine, mais c'était lui maintenant qui s'isolait et paraissait dédaigner les autres. Je n'osais pas encore aller à lui, mais je l'écoutais de toute mon âme, lorsqu'au milieu du chœur, son chant s'élevait si pur que l'harmonium paraissait hésiter à le suivre et ne l'accompagnait plus qu'en sourdine. Au matin du grand jour, la cour s'emplit d'une foule parée où les mères se distinguaient par l'élégance de leur toilette. Les fillettes, vêtues de clair et les cheveux bouclés, se tenaient près de leurs frères et semblaient craindre qu'on les oubliât. Les communiants, demeurés après nous au dortoir, entrèrent en file dans la chapelle, déjà emplie. Leurs mains jointes portaient le chapelet cliquetant, leur bras gauche s'ornait d'un nœud de satin, leur maintien demeurait si grave qu'ils passèrent en étrangers parmi nous, qui nous donnions tout à eux. Gernon, qui, disait-on, avait rêvé tout haut, ne baissait pas ses yeux clairs, mais il les tenait si fixement arrêtés devant lui qu'ils semblaient plus clos encore que ceux des autres, et que nul regard n'y aurait pu pénétrer. Terrouet, au contraire, qui rougit dès l'entrée, me parut moins lointain, malgré l'ombre des cils sagement appliqués sur la joue. Je sentis qu'il restait avec nous, de ce côté-ci de la vie, alors que les autres, Gernon surtout, devait voler au-delà, comme Charlot qui béait, la tête inclinée, les mains en repos sur les genoux. L'aumônier voulut exhorter encore ceux qu'il appelait ses enfants. Il leur parla des célestes jardins dont ils étaient en ce jour les fleurs pures et du Seigneur qui allait venir parmi leurs âmes pour les cueillir. Les mères se tenaient sur des chaises placées derrière chacun des communiants. Au moment où le prêtre descendait avec l'hostie, j'en vis une qui pleurait. Ma pensée fut alors tout à coup et si fortement retournée vers ma mère que des larmes me vinrent aux yeux et que je me mis à les répandre, y trouvant un amer plaisir. Mes camarades s'en étonnaient entre eux et je dus bientôt m'essuyer le visage car il nous fallut sortir les premiers et en ordre. Les familles nous suivirent et emmenèrent nos camarades que nous ne pûmes revoir de la matinée. Tout le monde revint à l'heure des vêpres. Ma tante me fit la surprise de s'y rendre pour entendre les chœurs dont je lui avais beaucoup parlé. Après la cérémonie, les communiants s'avancèrent enfin vers nous pour nous offrir des images pieuses derrière lesquelles étaient leurs noms. Mouque m'en donna une, où des fleurs entouraient un calice. J'en reçus d'autres qui illustraient des anges ou la face douloureuse de Jésus. Celle de Garnon portait, en lettres dorées, le ciel et dans mon cœur. Je les regardais toutes longuement. La cour était pleine de causeries et de rires discrets. Le directeur, heureux, complimentait les parents. La foule s'écoulait peu à peu et chaque groupe emmenait un communiant qui en était le centre. Massés à l'extrémité de la cour, sous la garde distraite d'un maître, nous regardions finir la fête en comparant les souvenirs que nous avions reçus, et je me sentais triste et comme banni d'une joie que d'autres avaient goûtée. Demeuré en deçà d'un beau pays qu'ils venaient de connaître et dont les images que je tenais semblaient des choses rapportées pour nous qui n'y avions pas été. Les nuits devenaient chaudes. Les plus grands insistaient pour qu'après le coucher, M. Lorrain ouvrît les fenêtres. Il n'y consentit point d'abord, puis s'y décida, en mettant à cette faveur la condition de notre plus parfait silence. On n'allumait plus les lampes. Une lueur diffuse entrait par les baies. Sagement étendus, nous goûtions le plaisir de sentir s'alléger l'atmosphère et la fraîcheur du dehors purifier l'air autour de nous. Je voyais de mon lit tout un morceau du ciel pâle qui s'obscurcissait peu à peu, jusqu'à laisser paraître les étoiles. La première était menue, intermittente dans sa clarté, et je restais incertain de l'avoir vue. Elle se précisait, cependant, et d'autres naissaient autour d'elle. Il y en avait une plus brillante dont j'aurais voulu savoir le nom. Ma mère m'avait appris à reconnaître le petit et le grand chariot, Orion et la Pléiade, mais elle devait passer plus haut dans la nue, car je ne les apercevais pas. Je me contentais de mon étoile. Elle paraissait me voir et me dire « C'est pour toi que je luis ». En clignant un peu, il semblait qu'elle tendît jusqu'à mes paupières un de ses rayons devenus visibles et que je l'allais saisir avec la main. Je la baptisais « Petite abeille » et roulais ma tête à droite et à gauche sur le traversin pour croire que c'était elle qui dansait. J'en vins à lui conter mes peines et à lui donner des commissions pour le bon Dieu. Mais peu à peu, elle disparut du cadre de la fenêtre et celles qui l'y remplacèrent ne me parurent pas aussi aimables. Des parfums entraient avec le vent, j'y reconnaissais l'arôme des tilleuls fleuris dans toute la ville, ou celui, plus aigu, d'un jardin couvert de chèvrefeuilles qui s'étendait de l'autre côté de la rue. Une odeur de terre arrosée en montait encore, très forte parfois. Monsieur Lorrain s'accoudait à l'une des fenêtres, jusqu'à ce que, le dortoir endormi, il les referma toutes. Il ne fallut bientôt plus le prier pour les lui faire ouvrir. La chaleur crut si bien qu'on ne put songer à nous priver d'une aération nécessaire après le déshabillage. Dès lors, notre sagesse diminua. Des rires naissaient pour la chanson d'un passant, pour une conversation entendue, et obligeaient le maître à revenir au milieu de nous. Chaque soir, le même bruit de pas et de voix contenues annonçait un pensionnat de fillettes que leur maîtresse ramenait de promenade à la tombée de la nuit. Une toux générale secouait alors les lits parce qu'on avait cru comprendre qu'à ce moment-là, M. Lorrain quittait plus difficilement la fenêtre. Après une de ses espiègleries, il les ferma pour nous punir et, malgré le murmure que nous fîmes entendre, il nous fallut nous endormir sans qu'elles fussent rouvertes. Par la suite, il ne s'en approcha plus que le sommeil ne nous eût tous gagnés. Après les avoir refermés, il se mettait à travailler dans l'alcôve à l'aide d'une petite lampe. Il ne put continuer parce qu'un élève se plaignit de ce que cette clarté l'empêchait de dormir. Alors, il demeura chaque soir plus longtemps à la fenêtre qui touchait l'alcôve. Ceux qui se réveillaient disaient l'y voir à toute heure. Je l'y surpris un jour en ouvrant les yeux dès l'aurore. La légende s'établit qu'il ne se couchait pas. Un matin, après une nuit trop chaude, je me sentis si las que je demandai de rester au lit. Je demeurai seul dans le dortoir désert où la plus lourde torpeur m'accabla. Mon engourdissement cessait par intermittence. Mes yeux, un instant entr'ouverts, suivaient au carreau le défilé moutonnant des nuages sur le ciel d'un bleu dur et se refermaient. À l'un de ces demi-réveils, après midi, je trouvai mon déjeuner dans un plateau posé près de moi sur une chaise et, sur le lit de Rupert, la taupe, accroupie, qui me guettait. Je n'avais guère faim et partageais volontiers avec elle, qui me rappelait Charlot, mais je n'osais plus me rendormir. Au bout d'un instant, elle se risqua près de moi et me laissa caresser sa fourrure sèche. Elle semblait très nerveuse et se tordait sous ma main qu'elle mordillait en la retenant entre ses griffes à demi tirées. Je voulus, par jeu, lui rebrousser le poil. J'en éprouvai sur les doigts 1000 piqûres. Elle cracha, bondit et disparut. Bientôt après, le ciel s'obscurcit. La nuit se fit dans la longue pièce et la pluie battit les vitres, en même temps qu'un roulement lointain annonçait l'orage. Il monta rapidement et la maison trembla bien vite de ses coups dont l'écho s'éteignait dans le ruissellement de l'averse. Je me blottis sous les couvertures, mais les éclairs m'y venaient chercher et chaque détonation retentissait dans mon cœur. Je me serais sauvé si je n'avais craint de traverser le dortoir dont les 8 fenêtres s'illuminaient à la fois. Il y eut une explosion terrible qui me fit croire que le toit s'effondrait et je restai les dents serrées sans plus bouger. Mais le tumulte s'apaisa, de sourds grondements traînèrent encore sur la campagne, puis la pluie seule continua de bruire comme un fleuve qui eût passé. Je demeurai oppressé et fiévreux. L'ombre vint de bonne heure et toutes mes frayeurs avec elle. J'eusse souhaité la présence de la taupe. Je ne pus que me raidir et, la couverture aux oreilles, attendre l'heure du coucher. Je retrouvai enfin la paix avec le voisinage de mes camarades. Rupert se pencha pour me demander si j'avais entendu le tonnerre et me dire que la foudre avait abattu un des arbres de la grande cour. Je ne sais ce qui m'émut le plus de la catastrophe ou de sa confidence, mais je pus enfin m'endormir malgré le fredonnement des moustiques qui voletaient autour de moi. Le lendemain, je me persuadai de ma guérison, tant je craignais une nouvelle journée solitaire, et aussi parce qu'il me tardait de voir l'arbre tomber. Les grands l'entouraient quand nous descendîmes, et, comme il se trouvait dans la cour, il nous fallut nous contenter de le considérer de la barrière contre laquelle toute notre division se rassembla. Le vent l'avait jeté sur le mur de clôture qui s'était éboulé sous lui. Une brèche, en demi-lune, laissait deviner, à travers la masse touffue de l'ormeau, un jardin profond dont nous ne voyons d'ordinaire que les hauts feuillages balancés. La plus vive curiosité nous tenait d'approcher de la brèche. Elle devint irrésistible pour moi lorsque, 2 jours après, l'arbre, débité et enlevé, le parc voisin fut visible. Durant la classe de l'après-midi, j'affectai un grand besoin de sortir et, l'autorisation obtenue, je courus vers la brèche où nul regard ne pouvait me suivre. Ce fut presque sur la pointe des pieds que je m'en approchai et me penchai sur l'échancrure. Une allée passait devant moi et se perdait sous de lourds ombrages. Des arbres que je ne connaissais pas semblaient me bannir du lent mouvement de leurs palmes. Un sapin montait et ses branches parallèles faisaient le geste d'écarter, à droite et à gauche, d'invisibles présences. À ses pieds, bordant l'allée, des corolles plus grosses qu'un oiseau s'élançaient parmi des feuilles en lames de sabre. Soudain, je crus voir, dans le fond, une forme blanche qui venait, se baissant de ça, de là, comme pour obéir au rythme d'une danse. J'en vins à distinguer une dame en robe claire et qui cueillait des fleurs. Je la laissai s'approcher jusqu'à ce qu'en se relevant une fois encore, elle m'aperçut. Elle tenait à plein bras les longues tiges couchées et me sourit. Je la vis venir à moi, couper entre les lances une fleur qu'elle me tendit. Le sentiment que j'éprouvais alors de sa réalité me remplit de confusion et me fit me sauver sans un mot avec cette fleur que je n'avais jamais vue et que je sus depuis être un iris. Une délicate senteur se dégageait des 3 pétales recourbés sur le calice. La nervure des autres était velue comme une chenille. Je brisai la tige et dissimulai la fleur pour regagner la classe, où je rêvais longtemps à l'étrange manière dont ce présent m'était venu. Le soir, en étude, pour l'admirer encore, je la déposai sur ma table entre 2 livres épais qui la dérobaient aux yeux du maître. Elle fut vite l'objet des convoitises. Personne ne savait d'où je la tenais, et, sous différents prétextes, chacun se leva pour la venir voir. Je dis à Courtot, qui m'interrogeait, qu'elle naissait d'une plante rare rapportée des contrées chaudes, et que les parterres de ma tante en étaient couverts. À Rupert, en cachette, je confiai sa provenance véritable, en lui disant cependant que c'était moi qui l'avais cueillie dans le mystérieux jardin. Sur le champ, il demanda de sortir, et, comme lorsqu'il revint, je m'étonnais de lui voir les mains vides, il me dit qu'il avait seulement voulu se rendre compte du lieu où étaient les fleurs et m'assura qu'il irait dans la nuit les cueillir toutes. Dès le coucher, je me défendis contre le sommeil pour guetter Rupert, que j'aurais voulu suivre dans l'audacieuse expédition. Mais il s'endormit des premiers, comme d'habitude, et moi-même, je ne pus veiller bien longtemps. Mes yeux se rouvrirent vers le milieu de la nuit et se portèrent sur le lit voisin qu'ils crurent voir désert. Je ne doutais plus que Rupert fût parti et me vêtis en hâte pour le rejoindre. On ne fermait à clé que la porte du fond. Celle de l'escalier restait libre. On pouvait par là gagner la cour. J'eus vite fait d'y descendre. Le feuillage profond des ormeaux dormait sous un ciel constellé où montait une lune cornue. J'allai d'arbre en arbre, parmi l'ombre plus dense à leurs pieds, et j'atteignis la brèche au bord de laquelle je risquais mes regards. Rien ne bougeait, j'appelai Rupert à mi-voix et me décidai à franchir les pierres écroulées. Je me trouvai dans un gazon humide, dont je sentis la fraîcheur à travers mes souliers où mes pieds étaient nus. J'avançai prudemment jusqu'à l'allée, elle semblait un fleuve clair, au-delà duquel le sapin noir gardait la masse ténébreuse du parc. Les fleurs n'étaient pas coupées. Je me dis que Rupert avait dû s'engager sous les arbres et je n'hésitais pas à y pénétrer. Bientôt, une nuit complète se fit autour de moi. Les arbres m'enveloppaient et me considéraient du haut de leurs cimes, entre lesquelles nulle étoile ne brillait plus. L'un d'eux m'atteignit d'une branche. Une forme blanche apparut sur un socle en face de moi. J'appelai Rupert. Son souvenir gardait mon courage. Cependant, je cherchais à fuir et je pris au hasard les sentiers qui se trouvaient sous mes pas. Je ne réussis qu'à m'égarer davantage. Quelque chose ayant bruit derrière moi, je fus saisi de terreur panique et me jetai follement à travers les bosquets. Chaque arbuste me flagellait au passage et retardait ma course. Des pas se précipitaient sur les miens. La nuit et le parc conspiraient à mon épouvante. Je crus jeter sur l'abîme un petit pont sous lequel je vis briller les astres. J'errai de nouveau. Je ne sais comment je me retrouvai en face de la brèche. Je passai le mur, franchis les cours et regagnai le dortoir où je me précipitai sur mon lit. Rupert ne paraissait pas avoir quitté le sien. Il y dormait, à demi découvert, d'un sommeil paisible. Il me sembla que je m'éveillais. Le dortoir était calme, plein d'une ombre bleue où la veilleuse palpitait. Mais je demeurai frémissant jusqu'à l'aube avec, par instant, l'illusion d'être encore poursuivi. Le lendemain, des ouvriers remaçonnèrent l'ouverture et du grand jardin disparu, il ne resta au-dessus du mur que les têtes d'arbres oscillantes qui semblaient me faire signe de garder mon secret. Vers cette époque, Seconde m'ayant porté des cerises, je vins au goûter m'asseoir près de Bereng, qui mangeait son pain sec en étudiant une fable. Je l'invitai à puiser avec moi dans le tas de fruits que je mis entre nous deux. Les cerises étaient dures et lourdes, et d'une belle couleur vernie de sang caillé. Nos lèvres, à leur contact, se teignirent et tachèrent de violet le pain où nous mordions. Bereng lançait loin de lui les noyaux humides en les serrant entre l'index et le pouce. De temps à autre, il jetait un coup d'œil sur son livre. Soudain, il me le tendit pour que je lui fisse réciter sa leçon. C'était « Les deux amis » de La Fontaine. Il prononça, en détachant bien les syllabes, « Deux vrais amis vivaient au mo-no-mo-ta-pa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. » Il ne devait apprendre que jusqu'à ce passage. « Lequel aimait le mieux que t'ensemble, lecteur ?» Mais je lus d'un trait tout le reste, tant la fable me parut belle, et je revins à ce vers qu'un ami véritable est une douce chose. Je le montrai à Bereng, qui, à son tour, lorsque nous fûmes en étude, me fit passer son livre de lecture ouvert à une poésie de Ducis, sur l'amitié. Je l'en remerciai en souriant. Peu après, je reçus un quatrain d'inspiration analogue, dont les vers, s'ils me semblaient moins harmonieux que ceux que je venais de lire, avaient ce mérite de s'adresser à moi. Le soir, Bereng me tendit la main en laissant les rangs au dortoir. Dès lors, nous nous retrouvâmes pour causer aux récréations, après qu'en études, nous nous étions souvent retournés l'un vers l'autre. Bereng me parlait de son pays, de ses villégiatures de vacances. Il greffait sur ses souvenirs d'impressionnantes aventures, au récit desquelles je le fixais la bouche ouverte et les yeux ronds, jusqu'à ce qu'il s'égayât de mon expression naïve et nommât le bouquin qui lui permettait de m'ébahir. Il mettait à cela tant de bonne grâce que je ne pouvais lui en vouloir et faisait, dès le lendemain, le même état de sa parole. Il s'embarrassait dans de longues phrases, dont il ne sortait qu'en s'essoufflant, et souvent un mot caractéristique retenu de ses lectures, et dont il faussait le sens, ajoutait du plaisant à son discours. Notre bonne entente fut vite connue. Courtot la publia en inscrivant au tableau nos deux noms dans une accolade. Je dus subir les compliments déclamatoires de Terrouet, qui rédigea même une épître où se trouvait incluse toute une phrase de l'épitome relative à Castor et Pollux. Il me suivait, plié en deux, le béret à la main, en insinuant que M. Gilles devait fort goûter le beau langage et les hautes imaginations pour montrer une telle préférence envers le rare conteur que l'établissement s'honorait de posséder. Bereng, obsédé de ses espiègleries, le menaçait avec tant de colère qu'il ne pouvait achever sa phrase et provoquait le rire inextinguible de notre persécuteur. Puis on s'habitua à nous voir ensemble et on nous laissa tranquilles. De jour en jour, Bereng me plaisait mieux et l'autorité que je lui laissais prendre dans nos rapports m'attachait à lui davantage. Il venait de lui-même s'asseoir près de mon goûter et j'avais grand bonheur à partager avec lui. De son côté, dès qu'il recevait de l'argent, il se faisait apporter par les externes des sucreries de couleur dont je mangeais bien ma part. Sa famille, une fois, lui envoya une boîte de chocolat qu'il ouvrit devant moi. C'était de petites plaques rondes, toutes vêtues de papier argenté. « Ça vaut 5 francs, » me dit-il, en m'en tendant une. J'étais tenté de le croire, tant j'avais de plaisir de ce don. Le soir même, j'écrivis à ma mère que j'avais un ami et que j'allais l'amener prochainement à la grangère. Fin de la section 7.